Les enfants sont des éponges à 10 gigas de mémoire. Ils absorbent nos mensonges comme des yaourts à boire. Papa du cholestérol, mais un message commercial dit qu'il faut boire d'anacol pour combattre le mal. L'enfant proie des publicitaires, ce sont des milliards de gagnés. Les enfants ne savent plus se taire lorsqu'on durcit un peu le ton. Ils s'égarent faute de repères, ne savent plus qui est le patron. L'enfant croit comme cadeau la pub comme éveil matinal, suivi d'un déjeuner promo bâillant aux aurores l'Oréal. C'est sûr, mais c'est justement parce qu'on l'aime qu'un bon coup de pied au cul rassure. Parfois, l'enfance est l'être en construction, les parents sont les maîtres d'œuvre qui élaborent ses fondations.